Le journal d'Internet sud-coréen Tongilnews a rapporté que sont érigées en Corée du Sud les statues des victimes de l'esclavage sexuel qui dénoncent les crimes commis contre l'humanité par les impérialistes japonais. À cette occasion, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires a tenu une réunion à Séoul le 29 mars. Une vieille femme victime de l'esclavage sexuel a exigé du Japon de présenter les excuses officielles et les compensations et de rétablir l'honneur des victimes.